Et on est dans l'évangile de Matthieu. Oui, ils avaient l'école du dimanche. OK, vous pouvez aller à l'école du dimanche. Excusez-moi, c'est une secousse qu'on n'avait pas eu, donc je pensais que... On va tourner dans Matthieu. Et nous allons continuer notre étude sur le chapitre 8, 9 et 10 de Matthieu. Et on a intitulé cette série d'études « Un roi compatissant, la compassion ». La compassion. Et notre vocabulaire est formé par quoi? Le sens des mots est déterminé par quoi? Si vous prenez des dictionnaires plus vieux et des dictionnaires, mettons, contemporains, vous allez voir que les mots changent de sens. Les mots n'ont pas toujours le même sens. Et qu'est-ce qui détermine que le mot change? C'est le sens qu'on lui donne dans une culture donnée, dans une génération donnée. Et le mot compassion, on lui donne un certain sens. On a nos modèles de compassion. On a les gens qui sont des références. Quand on parle de compassion, dans les années 1980 à 2000, on a certaines personnes dans la société qu'on va, quelqu'un de compatissant, ça ressemble à ça. Et on donne des sens aux mots. Et la compassion humaine, elle a son sens à elle. Mais quand on lit la compassion de Dieu, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et là, il faut retourner dans les Écritures, au temps de Jésus sur la terre, et de voir Dieu fait chair, qui était Jésus, et de regarder, quand lui dit que de la compassion, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, de la compassion divine? La compassion humaine, c'est autre chose. C'est autre chose. La compassion humaine, elle est sélective. Vous êtes comme moi? Oui? Vous n'avez pas de la compassion pour tout le monde égal? Hein? Pas tout le monde qui est égal pour votre compassion. Certaines personnes, c'est plus facile, c'est plus naturel. C'est plus, si je vois mon voisin dans le fossé avec son auto, je vais aller probablement pousser. C'est plus facile, c'est mon voisin, il m'a déjà passé sa brouette, il a passé son affaire. Donc ma compassion est plus naturelle, entre guillemets. Elle est sélective. Il y a certaines personnes que je suis pas mal convaincu que si vous voyez dans la misère, vous passeriez outre. Employer le langage public. Vous passeriez aux côtés, vous ne ferez rien. Peu importe la raison. Vous avez vos raisons personnelles. Mais vous passeriez aux côtés et vous avez même envie de piler dessus et qu'il cale un petit peu plus. Vous n'avez jamais fait ça? Tant pis pour lui! Vous avez déjà dit ça? Bien loin de l'avoir, de la compassion. Tant pis pour lui! Il méritait! Vous avez jamais dit ça? Ben oui, vous l'avez dit. On est sélectif. On n'a pas compassion de tout le monde avec de la même manière. Il y en a qu'on n'a pas de compassion du tout pour ces gens-là. La compassion humaine est aussi limitée. Vous allez aller jusqu'à un certain point pour certaines personnes. Vous êtes prêt à donner un petit peu de votre temps, peut-être? Vous êtes prêt à aller un petit peu donner certains montants monétaires d'argent, mais vous n'êtes pas prêt à aller aussi loin que vous pourriez aller loin. Je me souviens une fois d'avoir fait une journée de la compassion dans une église où je travaillais. Et on dit aux gens d'emmener des choses qu'ils voulaient donner aux pauvres. Et là, le sous-sol d'église en était presque plein de choses qu'on voulait donner aux pauvres. Et le dimanche matin, je suis descendu, je suis allé visiter le sous-sol. Et c'était tout de la scrap. Et ce dimanche-là, j'ai prêché sur la compassion. J'ai dit, c'est facile, vous savez, de donner ce qu'on ne veut plus avoir. Hein? Ce qui embarrassait nos meubles, ce qui embarrassait nos cartes d'or, ce qui était dans nos greniers, ce qui était dans notre cave, ce qui était dans le mis, ce qu'on n'utilisait plus depuis 10 ans. C'est facile de donner ça. Hein? On a tout mis ça ici. Mais pourquoi vous n'avez pas gardé le vieux système de son pour amener votre nouveau système de son et le donner à un pauvre? Notre compassion a une limite. Elle est limitée. On est prêt à donner 5 piastres, mais parce qu'il nous en reste 50. S'il ne nous en restera pas, on ne donnera pas de 5 piastres. Si c'est ça de leur donner 5 piastres, En tout cas, je ne le donnerai pas. Je donnerai d'un vous, je ne le donnerai pas. Ah, peut-être pour ma femme, mes enfants, oui. Mais pour un étranger que j'ai jamais vu? Non. On est limité dans notre compassion. On la limite. On ne va pas à un extrême. Elle est temporaire. C'est-à-dire qu'elle va durer un certain temps. Des fois, on a compassion pour quelqu'un pendant un certain temps, puis ça, non, on n'a plus compassion pour cette personne-là. Il est arrivé de quoi, elle a dit de quoi, puis là, non, on n'a plus la compassion. Ou, on a le vieux dicton, loin des yeux, loin du cœur. Qu'est-ce qu'on fait à la télévision quand on veut que vous mettiez votre main dans votre poche et que vous sortiez votre stylo et que vous écriviez un chèque? Qu'est-ce qu'on vous montre? Des films, des petits bouts d'images d'enfants avec une grosse bedaine, d'enfants qui ont des mouches dans les yeux. Puis là, on vous montre des enfants qui sont sales. Et là, vous êtes oh, vous avez de la compassion tout d'un coup sec, là. Puis là, vous allez peut-être être de ceux qui font faire un chèque et l'envoyer. L'image a disparu, la compassion est partie avec. On n'a plus de compassion, tout d'un coup, cette personne-là. La compassion est temporaire. La compassion humaine, elle va faire un temps, puis ça va à l'arrêter. Il est aussi, elle est calculée. Elle est calculée. C'est-à-dire qu'on réfléchit. Qu'est-ce que ça rapporte, la compassion? Vous savez très bien que les plus grands mouvements dans le monde, qui sont des mouvements humanitaires, qu'on appelle, c'est tout calculé. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça donne? Qui ça fait vivre? Et tous ces gens-là, souvent, qui sont impliqués, sont impliqués parce que ça leur rapporte quelque chose. J'ai parlé avec un homme, un moment donné, qui faisait partie du gouvernement, et c'est tout calculé politiquement, ces affaires-là. Où est-ce qu'on envoie les argent? Qu'est-ce qu'on fait là? Qui qu'on va aider? Qui qu'on n'aidera pas? C'est tout calculé, ça. C'est pas de la compassion, c'est du calcul, souvent. Donc, la compassion humaine, c'est pas comme la compassion divine. C'est pour ça que Dieu n'est pas exalté par la compassion qu'on pourrait avoir. Vous voulez une histoire d'un homme qu'on appelle qui était compatissant. Par exemple, certains se rappelaient, sans aucun doute, lorsque Bouddha, allant d'un ermitage à l'autre, trouva un moine assez âgé étendu à même le sol d'une cabane, dans des conditions dramatiques. Il avait la dysenterie. Il était évident qu'il était resté à terre depuis plusieurs jours sans recevoir aucune aide. Le Bouddha demanda au vieil homme pourquoi les autres moines n'avaient pas pris soin de lui. Et il répondit, « Je ne suis d'aucune utilité maintenant. Pourquoi s'ennuierait-il à s'occuper de moi? » Donc le Bouddha envoya son compagnon, Ananda, chercher de l'eau tiède, et tous les deux l'allongèrent sur un lit, le lavèrent et fit tout pour son confort. Puis le Bouddha appelait tous les moines et dit, « Moines, vous n'avez ni père, ni mère, ni frère ou sœur. Vous avez abandonné le monde. Vous devez être frère et sœur, mère et père, l'un pour l'autre. Celui qui veut me servir, qu'il serve les malades. » Je ne sais pas si cette histoire-là est vraie, mais ça représente vraiment la compassion humaine. Le moine dit, les autres moines ne m'aiment pas, parce quoi? Parce que je suis plus utile pour eux autres. Calculé, vous savez, qu'est-ce que c'est calculé. Bouddha, lui, il l'aide avec son ami. Il vient, puis il lui fait du bien. Il le lave, il le met sur un lit, et il le soigne, il bande ses plaies, le nourrit, il fait tout ce qu'il peut. Mais il va s'en aller, ça va être temporaire. Quelques semaines après, le pauvre moine va se retrouver à terre. La compassion humaine, c'est ça. Elle a ses limites, elle est calculée, elle est temporaire, elle est sélective. Bouddha aurait été comme Jésus s'il s'était couché à terre à la place du malade et qu'il aurait pu être malade, il aurait mis debout à sa place, il aurait dit, va, que la vie t'accompagne, moi je vais rester couché à ta place, ici à terre, dans ta merde et dans ta pisse. Ça aurait été Jésus. Ça, c'est la compassion de Jésus. Il prend la place du malade. Il ne soigne pas le malade, il prend la place du malade. Ça, c'est la compassion divine. Il prend la place de. La compassion humaine, ce n'est pas la compassion que Dieu voudrait qu'on ait. Donc, si on veut avoir de la compassion pour le monde de la même manière que Jésus a eu, on doit voir qu'est-ce que Jésus veut dire par compassion, comment lui le vécu la compassion, afin qu'on puisse, nous, refléter la compassion divine envers les autres. Parce que, vous savez, si vous allez dans le monde en tant que chrétien et vous exercez la compassion humaine, comme les humains le font, ils vont juste voir une autre personne compatissante. Ils vont juste voir un autre Bouddha, un autre cardinal léger, un autre Mère Teresa. Ils vont juste voir une autre bonne personne qui est là, qui a de la compassion humaine. Parce que, vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, puis ils ont de la compassion humaine, là, comme on a vu tout à l'heure. Ils sont capables de faire ça aussi, là. Vous savez ça comme moi, hein? Il y en a même qui en ont plus que ceux qui se disent chrétiens. Il y a cette forme de compassion-là. Mais la compassion divine, ou la compassion qui vient de Dieu, ça, il y a juste les chrétiens qui peuvent l'avoir. Juste les chrétiens qui peuvent l'avoir. Parce que ça ne vient pas du chrétien, ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est un fruit de l'Esprit, la compassion. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'être humain. Non, non. L'être humain ne vient pas au monde compatissant. Il vient au monde égocentrique, hein? Pas compatissant. La compassion de Jésus va beaucoup plus loin que cela. On a vu au verset 16 et 17. 16 et 17, je pense que c'est 16 et 17 du chapitre 9. Non, du chapitre 8, excusez. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et les chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Isaïe 53. Ici, il en parle ici. Jésus s'est chargé d'eux. Il a pris sur lui le pauvre moine qui était à terre. Il a pris sa place. Il n'a pas formé un comité pour qu'on s'occupe du moine. C'est ce que Bouddha a fait. Il a formé un comité de d'autres moines pour qu'ils s'occupent de ce moine-là. Jésus a dit non, je vais prendre les infirmités et la maladie du moine. Et là, il parle juste physiquement, mais aussi, on va voir ce matin, qu'il va le faire aussi spirituellement. Ça, c'est de la compassion. Ça, c'est de la compassion. Le reste, c'est pas ce que Dieu appelle la compassion. On a vu ensemble que la compassion, c'est un sentiment de pitié pour le malheur d'autrui. Et on a vu ensemble que la compassion passe toujours à l'action. On ne peut pas dire qu'on est compatissant envers quelqu'un et ne rien faire. C'est impossible. C'est juste des paroles en l'air pour se sentir mieux dans notre peau. Quand j'ai de la compassion pour quelqu'un qui est dans une forme de misère quelconque, je vais passer à l'action, je vais faire de quoi. Même si on dirait, comme on dit ces fois, même si ça s'agit juste de prier, même si c'est la chose la plus importante à faire, nous on va dire, même si ça s'agit juste de prier, on va faire de quoi? Parce qu'on a une compassion pour les gens qui sont autour de nous dans la misère, dans la difficulté. Quelconque, peu importe dans quelle forme ça s'exprime. On a vu que cette compassion-là que Jésus était en train d'exprimer avait des buts. Le but, c'est d'amener les gens à la foi, ou de fortifier la foi de ceux qui l'ont déjà. Mais surtout, je crois, dans Matthieu, le but était d'amener les gens à croire que lui était le Messie promis dans Isaïe 53. Ce serviteur d'Isaïe 53, c'était lui. Il voulait les convaincre de ça, parce que tous les Juifs savaient que le Messie se chargerait des infirmités, le Messie se chargerait des maladies du peuple. Et Jésus dit, c'est moi, je le fais, voyez, je le fais. Je me charge de la maladie et des infirmités des gens. Je veux prendre sur moi vos péchés. C'est moi le Messie. C'est moi le Messie. Donc le but, c'est de les convaincre de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne crois plus qu'on peut vivre ce qui s'est passé là. Parce que Jésus, il a fait ce qu'il avait à faire pour nous convaincre. C'est ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre, pendant ces 3 années-là. Ne nous convainc pas qu'il est le Messie. Il n'y a rien dans le monde qui va nous convaincre aujourd'hui. Ce n'est pas un autre paquet de miracles qui va nous convaincre, vous savez. Ça ne va pas nous convaincre plus. C'est ce qu'il a fait. Ne nous convainc pas. Même s'il nous donnerait la mer entière et qu'il nous ferait vivre pendant 1 million d'années, il donnerait toutes des richesses, il nous ferait tout cela, il enverrait toute la maladie sur la terre, ça ne nous convaincra pas qu'il est Messie. Ce que Jésus avait à faire pour nous convaincre qu'il était le Messie, il l'a fait pendant qu'il était sur la terre. Je ne crois pas qu'il était en train de vouloir encore le faire pour dire, bien, je vais essayer de vous convaincre encore. Il l'a fait. Nous, notre responsabilité, c'est de prendre les regards des gens et de tourner ça vers ce que Jésus a fait pour les convaincre qu'il était le Messie et le sauveur de leurs anges. On n'a pas à faire de quoi aujourd'hui. Je vais essayer de faire de quoi, moi, pour te convaincre qu'il l'était. Non, il faut juste les tourner vers ce qu'il a fait afin de les convaincre qu'il est le Messie. Donc, Jésus, on a vu qu'il a fait des miracles, qu'il a fait des guérisons, il a chassé des démons, et il a fait toutes sortes de choses pour essayer de convaincre les gens de qui il était. Donc, il a fait des choses très spectaculaires, des choses qui, comme on a vu la semaine passée, qui a arrêté la mer, arrêté le vent, et ça, les apôtres ont « Wow, c'est qui ce gars-là? » Il a eu de la compassion pour leur ignorance, et en faisant un miracle, il leur a révélé qui il était. Donc, il y a de la compassion aussi pour l'ignorance des gens, l'ignorance spirituelle des gens. Il veut les aider à mieux comprendre qui Dieu est. Parce que dans la tête des Juifs et dans la tête de la race humaine, un Dieu fait chair, 1 Corinthiens dit c'est quoi? Un Dieu fait chair qui meurt sur une croix, c'est de la folie. 1 Corinthiens dit ça. Pour les Grecs, c'est de la folie. La démence. Un Dieu qui se fait homme et va mourir sur la croix pour sauver ces gens, c'est de la folie pure. On n'y croit pas à ça. Et ça, c'est la manifestation de l'ignorance de l'être humain. Ils ne peuvent pas penser que Dieu peut faire ça. Leur Dieu dans leur tête, leur Dieu qui se sont fait comme image, ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Et ce matin, on va aller un peu plus loin. On va être dans chapitre 9, verset 1. Après qu'il a eu fait ce qu'il avait à faire, l'autre bord, qu'il a chassé les démons, puis qu'il est allé, il est revenu. Verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Dans sa ville. Sa ville, c'est quoi? Sa ville. Nazareth? Non. Capernaum. Capernaum. Il a quitté Nazareth puis il est allé rester à Capernaum. OK? Donc Jésus a fait son ministère à partir de Capernaum, parce qu'il était plus proche des grands centres, plus proche de la mer de Galilée. C'est là que se passait toute l'activité. C'était le port. C'était là que se passait tout le commerce, toutes les synagogues. Il y en avait une à Nazareth aussi, une synagogue. Mais le gros de la population était alentour. Si tu voulais rassembler des gens et t'adresser à eux et leur parler, tu allais plus proche de Capernaum que de Nazareth, qui était un petit bled perdu un peu plus loin. OK? C'est comme si tu veux atteindre des fautes, tu es mieux venir à Mont-Tremblant qu'à Saint-Rémy, exemple. Il y a plus de monde à Mont-Tremblant. Il passe des millions de personnes ici à Mont-Tremblant par année. Pas à Saint-Rémy. En tout cas, je ne pense pas. Et Jésus s'est mis à Capernaum aussi. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. La compassion de Jésus se tourne vers la maladie intérieure du cœur, du spirituel. Ces hommes-là, ici, ces 4-5 hommes-là, mettons 4 porteurs puis un malade, ils décident d'aller vers Jésus, ayant la foi dans leur cœur, ayant la foi dans, en eux que Jésus peut guérir leur, malade, leur ami malade. Ils sont convaincus de ça, que Jésus a ce pouvoir-là, a cette capacité-là, parce qu'ils ont vu en lui, dans les semaines, dans les mois qui ont passé, ils ont vu agir Jésus, ils l'ont entendu parler de ce qu'il avait fait, donc ils savent que Jésus a la capacité, parce qu'il avait guéri des milliers d'autres, et qu'il était, il avait cette compassion envers les malades, qui quand il voyait un malade, il les guérissait tous. On a vu ça un peu plus loin tout à l'heure. Et Jésus se promenait dans les foules et les guérissait tous. Donc on dit, on va aller avec notre chum et on va aller l'emmener auprès de Jésus et on va le demander de guérir notre ami. Il manifeste ainsi leur foi dans ce que Jésus était capable de faire. Donc il arrive à la porte, vous connaissez l'histoire, ils ne peuvent pas rentrer, il y a trop de monde. Je vous ai déjà dit, mettez un être compatissant à Montréal, à Toronto, ou à Montréal, ou à Mont-Tremblant. Un être compatissant comme Jésus. Et la ville se vide, s'en va là. C'est ça que ça fait, un être compatissant. Ça va attirer le monde d'une façon épouvantable. Si Jésus serait à Mont-Tremblant ce matin, tous les hôpitaux d'alentour seraient vides. On aurait amené toutes les maladies ici. Pour que Jésus les guérisse tous. Parce qu'il était reconnu comme un homme compatissant. Et il guérissait les malades. Il s'occupait des gens qui avaient des problèmes. Mais là, il voit cet homme-là, puis il voit quelque chose que nous, on ne voit pas, ou qu'on n'a pas tendance à voir. Il voit quoi? Il voit la maladie spirituelle de cet homme-là. Il voit que cet homme-là est chargé de maladie ou de péché. Il voit que c'est un pécheur. Il voit en lui un homme qui souffre spirituellement, qui est séparé de Dieu à cause de ses péchés, qui est ignorant de l'amour de Dieu, qui est ignorant de la bonté de Dieu, qui est ignorant d'une relation avec Dieu, du privilège d'être ami de Dieu. Il voit que ce que nous ne voyons pas, il voit que cet homme-là souffre beaucoup plus d'être séparé de Dieu que d'être paralytique. Lui, il voit ça. Ses amis ne voyaient pas. Lui-même ne voyait pas. Mais Jésus le voit. Et il fait quelque chose qui exprime une compassion pour cet homme-là. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que l'homme l'a cru? Est-ce que l'homme l'a cru? Est-ce que le texte nous dit que l'homme l'a cru? Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et là, on a les scribes et les pharisiens qui se mettent à gueuler. Est-ce qu'il l'a cru? Je crois que oui. Pourquoi? Il n'a pas dit, non, non, non, je ne suis pas malade, je ne suis pas un pécheur, non, non, non, je suis un bon gars, je suis allé à la confesse, j'ai fait de choses, j'ai aimé mon prochain, je fais pas de mal à personne. Il n'a pas dit ça, en tout cas, il ne l'a pas dit, ça, c'est vrai, il ne l'a pas dit. On ne sait pas s'il l'a cru. Moi, je crois qu'il l'a cru. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Voyant la foi. C'est à cause de la foi qu'il dit ce qu'il dit. Parce que ce qu'il va dire est beaucoup plus incroyable que de dire « Lève-toi et marche! » Ça, « Lève-toi et marche! » Il savait. Il savait parce qu'il en avait vu des milliers il y avait un jour. Donc ça, il n'avait pas de misère à croire ça, que Jésus pouvait dire « Lève-toi et marche, mon chum, t'es guéri! » Ça, c'était pas dur pour nous autres de croire. Il avait vu des milliers avant. En tout cas, j'aurais eu moins de misère à croire ça. Jésus avait dit « Ok, mon gars, tu crois en moi, tu es capable de te guérir? Lève-toi, vas-y. » Je crois qu'il a été facile pour lui croire ça parce qu'il avait vu des milliers avant. Mais Jésus lui dit quelque chose d'incroyable. Tes péchés te sont pardonnés. Il dit ça parce qu'il a vu leur foi. Voyant leur foi, il dit cela. S'il n'avait pas vu la foi, il n'aurait pas dit cela. Il pouvait dire n'importe quoi à cet homme-là, il l'aurait cru. Il l'aurait cru. C'est pour ça que je crois qu'il l'a cru. Il l'a cru. Jésus a de la compassion pour la misère spirituelle des gens, beaucoup plus que la misère physique des gens. Et le but premier de Jésus n'était pas d'enlever la misère physique du monde tant qu'il est sur la terre. Le but fondamental et le but premier qu'il est venu, c'était d'enlever la misère spirituelle des gens. Parce qu'il sait, lui, que le péché a emmené la maladie. Sans péché dans le paradis, il n'y a pas de maladie sur la terre. Vous savez ça comme moi. Vous savez ça comme moi. La maladie, la mort, c'est la conséquence du péché. Ce n'est pas la conséquence du sida ou de la mauvaise air ou de la couche d'ozone qui est passée. Ça n'a rien à voir avec ça, la maladie, non. La maladie, ça vient, c'est venu dans le monde à cause du péché. Et quand Dieu va enlever le péché de ce monde, la maladie va disparaître aussi. Hein? Nouveau monde, plus de maladie, plus d'infirmité, plus de mort, plus rien de ça. Ça n'existe plus, ça, parce que Dieu va avoir enlevé le péché. Le péché est la cause de la souffrance physique. Donc, c'est pour ça que Jésus est beaucoup plus sensible, beaucoup plus touché par la misère spirituelle des gens, qui va découler en misère physique, matérielle. Si les hommes ne seraient pas des voleurs, il n'y aurait pas de gens si dans la misère. Si les moines n'auraient pas été pécheurs, Bouddha n'aurait pas ramassé le moine à terre, il aurait déjà été ramassé. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas cette misère dans laquelle nous vivons. Donc Jésus veut régler le problème plus important que le péché de l'humanité. Les grandes sociétés ou les grands rassemblements d'aide humanitaire, eux autres se soucient d'eux, du côté physique. Hein? En grande partie, c'est le côté physique qui se soucie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables de jouer dans le domaine spirituel. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'aller voir, on va aller aider les gens spirituellement. Ils ne sont pas capables de faire ça. Mais aider physiquement, ils sont capables. Ils peuvent aider. Mais Jésus, ici, dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Faut attention là, il a été pardonné à la manière de l'Ancien Testament. Il n'est pas pardonné comme à la manière du Nouveau Testament. Jésus n'est pas dans le Nouveau Testament, Jésus est encore dans l'Ancien Testament. Donc il ne faut pas dire que maintenant cet homme-là est sauvé comme les chrétiens de Acte 2. Gnagnan, fais attention là, on est encore dans les évangiles. Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Donc il a pardonné ses péchés à la façon qu'il avait pardonné aux gens de l'Ancien Testament. Mais c'est tout de même pardonné. C'est tout de même pardonné. Qu'est-ce que vous aurez aimé mieux le plus? Si vous arriviez ce matin, vous rentrez n'importe quel hôpital dans le monde, et vous arriviez aux côtés de quadriplégiques, et vous leur dites, qu'est-ce que tu préfères ce matin? Est-ce que tu préfères que je te guérisse physiquement, ou si tu préfères que je te pardonne tes péchés et que tu sois guéri spirituellement? Quel pourcentage va dire physiquement? 99,9 va dire, guéris-moi physiquement. Parce qu'on évalue la misère physique comme étant plus importante que la misère spirituelle. C'est humain, c'est comme ça. On est fait de même. Mais pourtant, Jésus, lui, voyait ça spirituellement. Et cette compassion-là le pousse à vouloir lui pardonner. Mais vous savez, d'ailleurs, on a dit quoi dans Isaïe 53? Il est capable de dire ça. Il est capable de dire à la femme adultère, « Va, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Pourquoi il est capable de dire ça? Parce qu'il sait que dans quelques jours, quelques semaines, il va porter les péchés de ces gens-là. C'est ça qu'il est capable de leur dire ça. Tes péchés te sont pardonnés. Je ne te condamne pas parce que tout à l'heure, c'est moi qui vais te condamner à ta place. Tes péchés paralytiques, c'est moi qui vais les porter. C'est ça que je suis capable de te dire, je te pardonne ou tes péchés te sont pardonnés. Jésus n'est pas en train de dire ici, c'est pas grave, mon chien, c'est pas grave. Non, non, il sait très bien qu'est-ce qui va se passer, que ces péchés-là de cet homme-là vont tomber sur lui tout à l'heure, et il va falloir qu'il les porte. Et là, il y a cette exclamation des Juifs, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus ne dit rien contre ça, il sait très bien que c'est vrai. Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Pourquoi il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés? Pourquoi les êtres humains ne peuvent pas pardonner nos péchés? Pourquoi un prêtre ne peut pas dire « Je t'absous de tes péchés » Pourquoi aucun homme ne peut dire ça? Oui, parce qu'ils sont pécheurs. Mais il y a d'autres choses de plus importantes que ça. Ne pas se substituer. Oui, il y a quelque chose d'avant ça. Je vais le dire parce qu'on peut laisser ça devant nous. Parce qu'on a péché, il y a juste Dieu contre qui on a péché. Celui qui peut pardonner, c'est celui qu'on a offensé. Si j'offense Daniel, Bob ne peut pas me pardonner. Je te pardonne le mal que tu as fait à Daniel. Mais non, pas. C'est Daniel qu'il faut qu'il me dise à moi, je te pardonne, François. Pourquoi? J'ai péché contre lui. La personne qui peut pardonner, c'est la personne contre qui on pêche, contre qui on fait du mal, contre qui on a fait du tort. Et il y a juste Dieu qui peut pardonner parce qu'on a péché contre Dieu, on n'a pas péché contre les anges. Un ange ne peut pas me sauver. Un être humain ne peut pas me sauver, je n'ai pas péché contre lui. J'ai péché contre Dieu. Si Dieu tomberait mort demain, il n'y aurait plus de péché sur la terre. Il y aurait des mauvaises actions, il n'y aurait plus de péché. Parce que le péché existe seulement parce que Dieu existe. Et le péché, c'est aller contre Dieu. Ce n'est pas aller contre Bob, le péché. Ce n'est pas aller contre Joanne, le péché. Le péché, c'est de faire contraire, c'est d'aller contre Dieu. Et donc, si c'est contre Dieu, le péché, il y a juste Dieu qui peut pardonner. Et les Juifs avaient bien raison, leur théologie était bien correcte. Il y a juste Dieu qui peut pardonner. Ils disent, tu as bien raison, mon chum. Il y a juste Dieu qui peut pardonner. Mais il dit, afin que vous compreniez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, que ce pouvoir-là, je l'ai, parce que je suis Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il dit, je vais faire un miracle. Il y a tellement de compassion. Moi, si j'avais été là, là. Oh, si j'avais été là. J'aurais pu le monsieur malade, je l'aurais levé. J'aurais dit, t'es guéri, mon chum. Et vous autres, les pharisiens, bien sûr, couchez sur lui, passez votre tour. J'aurais couché là, j'aurais dit, tiens, maman. Vous ne croyez pas en moi, vous êtes voix aveugle. Hey, mais ça, moi, j'ai une chance, je suis pas là. Remerciez Dieu que je ne suis pas le bon Dieu, parce que ça dit que tout le monde sera mort. C'est épouvantable. Ces gens-là voient Dieu agir, Jésus, ils voient la compassion de cet homme-là, ils voient le bien qu'il fait partout. Il guérit les malades par milliers, il fait juste du bien. Ils sont complètement aveugles. Au lieu de se réjouir de ce que Jésus fait, ils l'attaquent. Jésus, mais il y a tellement de la compassion qu'il va dire, je vais faire de quoi, encore une fois, pour vous montrer qui je suis. Il n'en veut pas. Il n'est pas aigri contre eux autres. Il ne commence pas à leur tirer des bêtises ou dire, gang de niaiseux, vous êtes-vous imbéciles un peu? Vous ne voyez pas clair? Mais non. Il se dit, OK, je vais faire de quoi pour vous montrer qui je suis. Et là, l'acte de guérison qu'il va faire là est un acte de compassion. Bien plus pour les pharisiens et les scribes que pour le malade. Parce que le malade avait la foi déjà. Et ses péchés étaient déjà pardonnés. Il aurait pu mourir là. Ça aurait été juste bien pour lui. Mais Jésus a bien plus compassion de ces pauvres hommes qui sont dans la misère spirituelle, qui ne voient absolument, qui sont complètement aveugles. Il va faire un acte de guérison pour que vous compreniez qui je suis et que vous croyez en moi. Et là, il dit à l'homme, lève-toi, prends ton livre, pas chez nous. Il prend son livre sans. Prends son sang. Lequel était plus dur? Il y a une autre. Il n'y a pas une plus dure que l'autre pour Jésus. C'est toutes les deux pareilles. Il dit, comme je peux guérir ce malade, je peux vous guérir aussi spirituellement. Les deux ne sont pas plus durs pour moi. Excepté qu'un, il faut faire qu'il se charge de ces maladies-là, il faut qu'il se charge de ces péchés-là. Dans la question de pouvoir, de capacité, ce n'est pas plus dur. Ce n'est pas plus dur pour lui. Pas plus dur. Mais moi, tout ce que je vois un Messie ou un roi compatissant. Il veut établir un royaume dans un monde où les gens sont complètement ignorant, complètement aveugle, spirituellement parlant. Il ne voit absolument rien. Et Jésus est là depuis des mois et des années en train de faire des guérisons partout. Et les gens ne voient pas. Ils ne voient pas qui il est. Ils ne comprennent pas qui il est. Même ses disciples ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire vraiment. Quoique ses disciples étaient embarqués dans la vague des miracles, dans la vague du spectaculaire. Parce que les autres non plus ne veulent pas qu'il meure, finalement. Pierre va vouloir, ils voulaient pas qu'il meure. Les disciples ne veulent pas qu'il meure. Les disciples sont loin de comprendre à ce moment-là dans leur vie que Jésus va mourir bientôt. Puis quand ils vont le comprendre, ils vont le refuser. Ils vont dire non. Non, non, tu ne peux pas mourir. Le Messie ne peut pas mourir. Ils ne comprennent pas. Mais sa compassion pour l'être humain continue, continue, continue à vouloir faire du bien, à vouloir faire du bien. Au moment qu'un être humain vient au monde, comme le petit Jacob ou Isaac, comme le petit Isaac qui est là, au moment qu'il vient au monde, Dieu commence tout de suite à exprimer de la compassion pour cet enfant-là. Aussitôt qu'on vient au monde, Dieu nous fait du bien pour qu'on devienne un jour ses enfants. Toute la vie, pendant tout le cheminement qu'on a sur la terre, tout ce qu'il veut, c'est qu'on comprenne qui il est, comment il veut nous faire du bien et nous sauver. Je suis encore surpris du fait que Dieu s'est venu sur la terre. Pour moi, c'est un acte qui me bouleverse dans le fond de moi-même, que Dieu est venu dans mon monde de noirceur, dans mon monde de péché pour venir me sauver. Pour moi, ça me dépasse. Je pense que je vais être reconnaissant pour l'éternité qu'il ait fait ce acte-là. Et Dieu s'est fait chair, est venu habiter parmi nous afin de nous sauver et d'exprimer la compassion de Dieu. C'est plus facile pour l'inconverti de croire à la justice de Dieu que de croire à la compassion de Dieu. C'est plus difficile à l'inconverti de croire à la compassion de Dieu qu'à la justice de Dieu. Et vous remarquerez que tous les mouvements religieux dans le monde entier se fient plus sur la justice de Dieu que sur la compassion de Dieu. Ils croient que Dieu est juste, donc ils vont faire des sacrifices, ils vont donner des argent, ils vont se faire souffrir, ils vont faire des choses afin que de faire du bien, que Dieu, dans sa justice, leur donne le ciel, parce qu'ils vont avoir fait plus de bien que de mal. Ils se fient bien plus sur la justice de Dieu que sur la compassion de Dieu. Si tu vas les voir et tu leur dis, non, tu n'as pas besoin de faire ça, Dieu est prêt à te pardonner. Ben non, c'est trop facile, ça. Ça se peut pas. Dieu ne peut pas être si bon. Voyons donc, ça n'a pas de sens ce que tu dis là. C'est gratuit, tu dis. Voyons donc, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Tu vois, c'est ça que vous allez entendre. Vous l'avez déjà entendu, probablement. Ça se peut pas, voyons donc. Mais monte les marches à genoux, donne ton argent aux pauvres. Ah, ça, par exemple, ça marche. On va faire ça. Parce qu'ils croient que Dieu est juste et qu'il va punir les coupables, qu'il va récompenser les bons. C'est ça qu'ils pensent, ça. Dieu dit non. T'es bien mieux de te fier dans ma compassion. Hein? T'es bien mieux de te fier à ma compassion. Et les gens, l'histoire se termine en disant, ils sont tellement émerveillés de voir, parce qu'ils n'ont rien vu, quand Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils n'ont pas vu, là, une petite fumée qui sortait du goût, tu sais, ça en allait à quelque part. Ils n'ont pas vu rien, là. Quand Jésus a dit, tes péchés, ils n'ont rien vu, là. Hein? Là, il fallait qu'il y ait de la foi, là. Il fallait qu'ils croient que, c'est-tu vrai ce qu'il dit, c'est-tu arrivé? J'ai bien vu. Tu sais, mais ça, on va être là, j'aurais dit, moi, Thomas, comme je suis, il aurait dit, ben, moi, qu'est-ce qu'il me prouve? Moi, dans ma logique, il aurait dit, qu'est-ce qu'il me prouve qu'il était pardonné? Il y a. Peut-être que c'est pas vrai. Il a peut-être dit n'importe quoi. Facile à dire, ça, hein? Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés à toi aussi. Tu peux pas le voir. Mais de dire, lève-toi et marche, ben là, tu peux voir, toucher, là, tu peux comprendre ça. Dire, s'il est capable de faire ça, il est probablement capable de faire l'autre aussi. Et ces hommes-là sont remplis de crainte. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qu'il dit au verset? Il dit, c'est drôle, hein? Elle fut saisie. Qui c'est? Elle, c'est la foule. Elle fut saisie de crainte. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que ça fait comme impression dans la foule? Comment vous sentez, là, vous autres, là? J'aime ça m'arrêter, vous pensez, mais si j'avais été dans la foule, est-ce que j'aurais été saisi de crainte? Ou je dirais dire, yes, yes, c'est bon, amen, hey. J'aurais peut-être crié, vous dire, oh, wow, c'est fantastique, un malade guéri. Mais là, ils sont remplis de crainte. Qu'est-ce qui a causé cette crainte-là? Oui, ça pourrait être dans ce coin-là. Oui, ça bouleverse tout leur enseignement en arrière, ça contredit tout ce qu'ils pensent. Est-ce que tout d'un coup, est-ce qu'ils sont tentés un peu de réaliser qu'ils sont des pécheurs, puis devant eux, c'est Dieu fait chair, Dieu, ont-ils une petite espèce de petit peu de lumière qui arriverait dans leur esprit que le personnage qu'il y a là est plus qu'un être humain? Vous remarquez dans la Bible, chaque fois qu'un être humain vient en contact avec le monde spirituel, il a toujours la même réaction, il est rempli de crainte. Il a peur, il tombe plein de face à terre. En québécois, ils ont la chienne. Isaïe, qu'est-ce qu'il dit, Isaïe, quand il a vu une apparition de Dieu? Malheur, malheur à moi, car je suis un homme pécheur. Il a peur, il est dans la crainte. Quand les gens voient Dieu, là, ils ne sont pas là. Viens que je t'embrasse. C'est pas ça qu'ils font. Une fois, j'avais vu un homme qui m'avait dit que quand il se faisait la barbe, Jésus venait par en arrière et il se serrait dans ses bras. Puis il se faisait sa barbe par la vision. J'ai dit, puis qu'est-ce qui arrive quand il te serre dans ses bras comme ça? Ah, je me sens bien. Ah, mais c'est pas le même Dieu que la Bible. C'est pas le même Dieu que la Bible. Parce que dans la Bible, quand Dieu apparaît à quelque part, tout le monde tombe à terre et ils ont toutes peur. Et celui que tu as vu, toi, c'était certainement pas Jésus de Nazareth, parce que, ou le Dieu fait chair parce que tu tomberas à terre. Parce que quand un pécheur voit Dieu, la crainte s'empare de lui. Quand un pécheur voit Dieu, un pécheur pardonné, non. Mais quand un pécheur voit Dieu, il a peur. Parce que c'est la sainteté versus le péché. Et ça l'amène la crainte. Que Dieu puisse nous aider à comprendre que dans votre vie comme dans ma vie, Dieu a eu de la compassion pour nous. Comment ça a pris de compassion pour Dieu pour vous aimer? Comment ça a pris de compassion pour vous aimer? Un gallon? Une tonne? Comment ça a pris de compassion pour vous aimer? Je vais y aller doucement. Comment ça prend de compassion pour vous aimer, vous, un pécheur, que vous étiez avant d'être sauvé, je parle. Comment ça a pris de compassion de la part de Dieu pour vous aimer et tendre la main et de vous sauver? Comment ça a pris de compassion? Il savait. Ça a pris une compassion infinie. Vous ne pouvez pas mesurer comment ça me plaît. C'est infini. Parce que le péché qui était en nous était aussi avec des conséquences infinies. Et la conséquence qu'on méritait à cause de nos péchés était l'éternité dans la perdition. Et Jésus s'est chargé de cette conséquence, il l'a pris sur lui. Ça prenait une compassion infinie pour vous aimer tel que vous étiez. Vous ne méritiez pas d'être aimé par Dieu, vous savez. Ben non. J'espère que je ne vous surprends pas en disant ça ce matin. On ne mérite pas d'être aimé par qui que ce soit. Ni par vos femmes, ni par vos maris, ni par vos enfants. Vous ne méritez pas d'être aimé par personne. Si quelqu'un vous aime aujourd'hui, c'est parce qu'il a de la compassion envers vous. Parce que vous ne méritez pas d'être aimé par personne. Si vous ne méritiez pas d'être aimé par Dieu, vous ne méritez pas plus d'être aimé par les êtres humains. Rien. Quand on se sait aimé, on sait que c'est de la part de l'autre une grâce, une compassion qu'il a envers nous. Parce qu'on est des pécheurs et on ne mérite pas d'être aimé. Notre Père du ciel, ce matin, en voyant ton fils, en voyant son attitude face à cet homme qui est venu vers lui, en voyant son attitude envers les accusateurs, les mépriseurs, les abandonneurs, en voyant ces pharisiens, ces scribes qui accusaient, qui de blasphème, ça m'aide à comprendre et à croire que tu as eu de la compassion pour moi aussi. Parce que j'étais parmi eux. Ça confirme ma foi que tu es capable d'avoir de la compassion pour moi. Ça confirme que quand tu me dis que tu as pardonné mes péchés, que c'est vrai. Parce que tu avais assez de compassion pour le dire. Ça prenait un Dieu pour agir comme Jésus a agi dans cette histoire. Ça prenait un Dieu. C'est pour ça que la foule glorifie Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. Ça ne vient pas des hommes. Les hommes ne sont pas comme ça. On te remercie encore une fois, Seigneur. On voudrait que tu puisses nous utiliser pour atteindre d'autres mondes dans notre ville, dans notre monde autour de nous. Nous sommes des exemples de la compassion de Dieu. Nous sommes des exemples de l'amour de Dieu. Nous pouvons montrer au monde à quel point Dieu est compatissant et capable d'aimer les pécheurs, dont je suis le premier, comme disait Paul. Que cet Esprit Saint qui est en nous puisse nous rendre capables de démontrer de la compassion à ceux qui sont autour de nous, qui ne méritent pas cette compassion-là. On n'a pas de compassion pour ceux qui sont compatissants, on a de la compassion pour ceux qui ne le méritent pas. Aide-nous, Seigneur. On sait que tu vas sauver des gens encore cette semaine. Tu vas en sauver par milliers sur la terre. Des milliers encore vont goûter ta compassion. Ils vont se tourner vers toi pour être sauvés. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Tenez avec moi, pas tenez, mais levez-vous. On va chanter ensemble.